Vendredi 16 mai 1997, sous la présidence de M. Laurent-Désiré Kabila, son président et porte-parole, vu la situation de guerre de libération qui dure depuis le 14 septembre 1960 et continuée aujourd'hui par l'AFDL contre la dictature et pour l'instauration d'un régime démocratique et d'un état de droit, vu la vacance de pouvoir à la tête de l'État, créée par la fuite imprévisible du président Mobutu, après avoir tenu dans l'impasse les négociations pour une solution pacifique de la crise, est-ce en dépit des efforts de médiation du président Nelson Mandela, des pays amis et de la communauté internationale, attendu que ce vide est de nature à compromettre la paix, l'unité nationale et la sécurité des personnes et des biens. Constatant la gravité de la situation et vu l'urgence et l'impérieuse nécessité, prenant ses responsabilités, attendons le peuple congolais, la communauté internationale et l'histoire. Le conseil élargi de l'AFDL déclare 1. La prise du pouvoir d'État par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo sous la direction de son président, M. Laurent Désiré Kabila. L'Alliance assumant désormais l'autorité de transition. 2. Le président de l'AFDL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. La Constitution, 3, la constitution d'un gouvernement de transition de salut public dans un délai de 72 heures. 4, la convocation d'une assemblée constituante dans un délai de 72 heures. Sur l'autre rive du fleuve, le Congo-Brazzaville. Et en juin 1997, cette analyse du professeur Rémi Bazenguissa de l'École des hautes études en sciences sociales.